الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد ونبدأ مباشرة بإذن الله جل وعلا سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بهذا العلم وبعد donc les frères on va commencer directement inchallah notre cours puisque il y a des questions importantes à évoquer et hier on n'a pas pu continuer justement ce qu'on avait commencer à lire puisque on est arrivé à la fin du cours. Donc il nous faut continuer inchallah sur ce sujet que lié au nom. On avait commencé ici à expliquer ce que l'auteur dit et il va commencer justement à parler du sujet, c'est-à-dire concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur a dit wa lahu al-asma'ul husna والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفته مخلوقة وأسماؤه محدثة. Donc il nous dit que Allah Jalla wa Ala détient les noms sublimes. Il possède, c'est-à-dire les plus beaux noms et les attributs les plus sublimes. Et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms. Sa glorieuse transcendance s'oppose à ce que ses attributs soient créés ou à ce que ses noms soient contingents, on va l'expliquer. C'est ce qu'on va expliquer ici. Donc, Cheikh nous disait, on avait commencé hier dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, qui est très important pour bien qu'on comprenne cela. Il nous dit que Allah Jalla wa Ala lam yazal wa la yazal bi jami' asma'ihi wa sifatihi lam yahduth lahu صفة بعد أن لم تكن فأسماؤه وصفاته ملازمة ملازمة له ولا بداية لها كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى. Donc il nous dit que Allah Jalla wa Ala détient les noms sublimes et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala n'a jamais cessé de posséder ses noms sublimes, ses plus beaux noms et ses attributs de perfection. Il dit qu'Allah Jalla wa Ala n'a jamais cessé de les posséder. Allah a toujours eu ses noms sublimes et ses attributs de perfection. C'est pour cela, vous en rappelez, lorsque par exemple, on a parlé des attributs liés à l'être, ce qu'on appelle « sifat dhatiya », les attributs liés à l'entité, à l'essence même du Créateur, subhanahu wa ta'ala, on a dit que, par exemple, ces qualités-là sont inhérentes à son essence. Ces attributs-là, qu'on appelle des attributs d'essence, elles sont inhérentes à son essence, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire indissociables et éternelles. Elles sont indissociables et éternelles sans commencement et sans fin. Sans commencement et sans fin. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et de ce fait, Ash-Shir dit, فَأَسْمَاهُ وَصِفَتُهُ مُلَازِمَةً لَهُ et وَلَا بِدَيَةَ لَهَا كَمَا أَنَّهُ لَا بِدَيَةَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et donc, ces attributs, ces noms et ces attributs, il dit, n'ont point de commencement comme il n'y a point de commencement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Wa la nihayata laha, kama annahu la nihayata lah. Et point de fin aussi. Point de fin, il n'y a pas de fin pour ses attributs, subhanahu wa ta'ala, comme il n'y a point de fin pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Et de ce fait, c'est ça lorsqu'on dit qu'elles sont indissociables et éternelles. Indissociables et éternelles, c'est-à-dire comme on a dit, sans commencement et sans fin. Sans commencement et sans fin. فالله بجميع أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Et Allah, avec l'ensemble de ses noms sublimes et de ses attributs parfaits, Cheikh nous dit, il est le premier, فهو الأول والآخر, et le dernier. C'est-à-dire avant lui, فليس قبله شيء, avant lui il n'y avait rien, سبحانه وتعالى. Et Al-Akhir, il est le dernier, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y aura rien. Il est le dernier, subhanahu wa ta'ala. Jalla, jalalu. Wa-dhahiru wa-l-batinu. Et ça, on l'avait expliqué dans des cours précédents, le sens de wa-wa-l-awwalu wa-l-akhir, wa-dhahiru wa-l-batin. Et il dit, fa-fi hada raddun ala alladhina yanfun al-asma wa-sifat, kal-jahmiya wa-l-mu'atazila wa-l-ashahira. ويقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم ولذلك من أصولهم الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات. Et hier justement on s'était arrêté à ça, et ça c'est très important, donc concentrez-vous bien les frères, et on va profiter qu'on est au début du cours pour bien détailler ce sujet, pour bien détailler ce sujet. Le Cheikh Fawzan donc nous explique. Donc, dans ce qu'on vient de dire, il y a une réfutation aux différentes doctrines et tendances et courants qui ont émergé plus tard, et ça a commencé déjà dans les premiers siècles, qui ont émergé et qui ont nié justement les noms, aussi bien les noms d'Allah, ou bien les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on avait déjà dit, certains ont nié aussi bien les noms sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certains ont nié les attributs, et d'autres ont nié aussi bien les noms, ont nié, et les attributs ensemble, et les attributs ensemble. C'est pour cela que, par exemple, il cite Al-Jahmiya, le Cheikh Al-Fawzan cite Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, Wal-Ashari'a, du fait qu'il cite ces différentes doctrines comme Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, pourquoi? Parce que leur point commun, justement, le fait d'avoir nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, Al-Jahmiya, ont nié aussi bien les noms et les attributs. Et Al-Jahmiya, on avait dit dans les cours précédents, c'était les partisans de Jahm ibn Safwan. Mais à la base, lui, il a eu un professeur. Il a eu un professeur qui était Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Mais du fait que c'est lui, plus tard, Jahm ibn Safwan, qui va propager cette doctrine, donc les gens vont être affiliés à lui. C'est lui ensuite qui va avoir des disciples et des gens qui vont propager cette doctrine. Donc de ce fait, ces gens-là, ces disciples-là, ces adeptes-là, lorsqu'ils vont propager cette doctrine, eh ben, ils seront surnommés Al-Jahmiya. Ce sera la doctrine d'Al-Jahmiya. Alors que, en réalité, Jahm ibn Safwan, lui, a pris cette croyance, il était lui-même adepte et disciple, hein, de son maître, qui était Jahd ibn Dirham. Mais ils n'ont pas été appelés Al-Jahdiya, par exemple. Ils n'ont pas été surnommés Al-Jahdiya. Pourquoi? Parce que lui ne l'a pas propagé. Comme cela va se propager plus tard avec Jahm ibn Safwan et ses disciples. De ce fait, vous avez l'historique de l'appellation Al-Jahmiya. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle du domaine des noms et des attributs. Donc là, on parle par exemple de leur hérésie concernant les noms et les attributs, du fait que Al-Jahmiya, eux, ont nié catégoriquement le domaine des noms et des attributs. Mais ils ont d'autres hérésies et innovations. Ils ont d'autres innovations. Et comme il faut savoir, certains savants disent que plus tard, il y a même différentes doctrines, hein, tendances innovatrices, qui vont se fusionner. Fusionner, c'est-à-dire il y aura une fusion. Une fusion de différentes innovations. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous observez Al-Jahmiya dans le domaine du destin, ce sont des gens qui professent la croyance de la contrainte. La croyance de la contrainte. Al-Jahmiya professe cette croyance-là. La croyance de la contrainte au niveau du Qadr, c'est ce qu'on appelle Al-Jibriya. C'est la doctrine qu'on nomme Al-Jibriya. Eux, plus tard, Al-Jahmiya, il y aura une fusion avec ce qu'on appelle Al-Jibriya. Avec la doctrine d'Al-Jibriya, qu'on appelle en français, notre traduction relative, la doctrine de la contrainte. De la contrainte. Dans la question du Qadr, lorsqu'ils vont s'égarer, Al-Jahmiya, ils vont adopter la doctrine de la contrainte, c'est-à-dire la doctrine qu'on nomme Al-Jibriya. De là, il y aura une fusion avec Al-Jibriya ou Al-Jahmiya. C'est pour ça qu'on les appelle plus tard dans la question du Qadr, du destin, et on reviendra, puisque la question du destin va être mentionnée par l'auteur, on reviendra, on les appelle Al-Jahmiya, Al-Jibriya. Al-Jahmiya, Al-Jibriya. Comme Al-Mu'tazila, par exemple, Al-Mu'tazila, eux vont faire une fusion dans la question du destin avec Al-Qadariya. Al-Qadariya. Eux, dans la question du destin, la doctrine de Al-Mu'tazila, vont adopter la croyance au Al-Qadariya. Al-Qadariya, ce sont les négateurs du destin, justement. Les négateurs du destin. Eux, le Mu'tazila, vont adopter cette croyance-là. Donc même plus tard, il va y avoir des fusions entre différentes doctrines qui ont émergé à un moment donné dans le monde musulman. Et de connaître l'histoire, les causes, comment, à quel moment ont émergé ces différentes doctrines innovatrices, ces différents mouvements et courants, c'est bien de le connaître. Pourquoi ? Pour se préserver justement. Pour se préserver et même dans le futur, eh ben connaître les causes, comment une tendance apparaît. Et de ce fait, il y a un très beau livre à lire aussi de Ibn al-Jawzi lorsqu'il parle de la ruse d'Iblis sur différents courants. Comment Iblis a rusé, a comploté, a dupé, a leurré par exemple Al-Soufiya. Et il a ouvert beaucoup de portes. Il est venu par de nombreux chemins et de nombreuses voies pour les faire dévier de la voie de la Sunna. Et parfois, il ouvre des bonnes portes, des choses qu'on considère bonnes hein, et qu'on verra bonnes. On pense que c'est un bon chemin, et de là, eh ben, il est la cause de la dérive de beaucoup de gens. Il va parler, Ibn al-Jawzi, par exemple, dans son livre Talbis Iblis, par exemple, il va parler d'autres courants, des courants philosophiques, comment sont-ils apparus, comment Shaitan leur a ouvert des portes, comment il les a fait dévier de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc là, Cheikh al-Fawzan nous a mentionné, par exemple, Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, du fait que, regardez ce qu'il va nous dire. Il va dire, ويقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم. ولذلك من أصول من الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات. Donc on l'avait lu hier et je viens de le relire car c'est important. Pourquoi, parmi les raisons, maintenant ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi par exemple Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour Al-Jahmiya, c'est clair, on vient de dire, c'est les partisans de Jahm ibn Safwan. Al-Mu'tazila, comme on avait dit, à leur tête, on avait dit, c'est Wasil ibn Atta. L'un des fondateurs, Wasil ibn Atta. Ensuite, il sera rejoint par cet homme qui s'appelait Amr ibn Ubayd, comme on avait dit. Donc, eux, ils figurent parmi les têtes de cette tendance innovatrice, de cette secte, hein, de ce courant qui est apparu, qui est émergé. Et ils ont été connus du fait qu'ils niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à leur apparition, eux, ils ont réfuté le Jahmiya du fait qu'ils n'ont pas suivi le Jahmiya dans le reniement des noms. Par contre, ils ont suivi le Jahmiya dans le reniement des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on vient de le dire, à leur tête, à l'époque, il y avait Wasil, le fondateur Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta était très fort dans l'arabe. C'est quelqu'un qui était... Al-Mu'tazila était connu, c'était des gens très forts dans l'arabe. Et on l'avait dit dans le cours d'hier, Wasil ibn Atta a vécu à l'époque de Al-Hassan al-Basri. Et donc vous avez vu, hein, c'est très proche, pourquoi ? Al-Hassan al-Basri, lui a vécu à l'époque, donc on est à l'époque des grands tabi'in. On est à l'époque des grands tabi'in, des grands successeurs du compagnon du prophète, alayhi salatu wa sallam. Pourquoi ? Parce que Al-Hassan al-Basri, beaucoup disent qu'il était à l'époque d'Abu Huraira, qu'il a rencontré certains compagnons. Donc Al-Hassan al-Basri comme Saïd ibn al-Musayyib font partie des... parmi les grands tabi'in. Et de ce fait, Wasil ibn Atta ou Al-Mu'tazila, comme il est dit, ils étaient très forts dans la langue arabe. Il est rapporté que Wasil ibn Atta, par exemple, était très fort dans la langue arabe et il avait une difficulté à prononcer une lettre. Comme c'est rapporté, lui, il avait une difficulté à prononcer la lettre Ra. Ra, il avait une difficulté de prononcer cette lettre. Eh bien, certains rapportent qu'il arrivait à faire des serments. Il arrivait à faire des allocutions et des prêches sans mentionner la lettre Ra. Il arrivait à faire des prêches et des allocutions en arabe et chaque mot, par exemple, qui contenait, qui possédait la lettre Ra, il arrivait à trouver, par exemple, son synonyme. Un mot du même sens qui ne contient pas la lettre Ra. Et je vous le dis, ça, faut le faire. Ça, il faut le faire. Il faut vraiment être très ancré et très très fort dans la langue arabe. Et bien pourtant, leur connaissance de la langue arabe n'a pas fait, n'a pas voulu dire forcément qu'ils ont compris la sunna du messager d'Allah et qu'ils étaient sur la voie du messager d'Allah. Ça n'a pas suffi. Et je vous ramène cet exemple, par exemple, parce que ça prouve qu'ils étaient très ancrés et spécialisés dans la connaissance de la langue arabe. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Parmi les causes, regardez la contradiction. Parmi les causes qui ont fait qu'ils ont nié les noms ou les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont considéré par exemple que s'ils affirment les noms et les attributs d'Allah, c'est lui donner des associés. Ajib, c'est lui donner des associés. Alors que ce qu'on a appris dans l'enseignement du tawhid, ce qu'on a appris au contraire, pour unifier Allah jalla wa ala, pour pratiquer ce tawhid, ce monothéisme, pour être monothéiste, il faut l'unifier aussi bien dans la seigneurie que dans le domaine de l'adoration et dans le domaine des noms et des attributs. Dans le domaine des noms et des attributs. Car on ne peut affirmer la perfection d'Allah et attribuer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala sans affirmer ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Eux, Shaitan leur a fait paraître le contraire. Et regardez comment. Pour eux, leur Seigneur, je vais dire leur Seigneur, pourquoi ? Parce que c'est leur conception à eux. Pour ça, je dis leur Seigneur. Pour eux, leur Seigneur, alors, c'est un être abstrait de tout nom et attribut. Leur conception à eux, de leur Seigneur, c'est un être abstrait de tout nom et attribut. De ce fait, le fait pour eux de confirmer les noms et les attributs, selon toujours leurs prétentions, ça implique du polythéisme, ça implique du shirk. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, ça implique la pluralité de la divinité, C'est-à-dire, la pluralité pour eux des noms et des attributs implique la pluralité de la divinité. Et vous savez, cette croyance, ils l'ont héritée de qui ? C'est Ajib. Lorsque vous lisez, cette croyance, en réalité, ils l'ont héritée des polythéistes arabes. Del Mushrikin, des polythéistes arabes. Regardez, vous allez bien comprendre. Ce qu'on a appris dans le cours d'hier, lorsque l'auteur a mentionné, et Allah subhanahu wa ta'ala détient les noms les plus sublimes. Il détient les noms sublimes. Ce qu'on a appris, Shir, lorsque vous vous rappelez du cours d'hier, il dit, فَاسْمَاهُ كُلُّهَا حُسْنَا. On avait dit, tous les noms d'Allah sont sublimes. Et qu'est-ce que Shir nous avait dit ? لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ. Parce qu'elle dénote ici une perfection. La perfection du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَلَهَا مَعَانٍ جَلِيلَ. Regardez ce que Shir nous avait dit hier. C'est pour ça que je reviens à ce qu'on a dit hier parce que c'est lié. Pour bien vous compreniez. Les noms d'Allah, ici, ont des sens, des significations qui sont immenses, qui sont grandioses. C'est pas des noms sans signification. Pour eux, les négateurs, par exemple, le Mu'tazila, il n'y a pas de signification. Par exemple, pour le Mu'tazila, qui eux affirment les noms et nient les attributs. Lorsqu'on dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des significations grandioses et immenses, c'est-à-dire que comme on a dit, chaque nom sous-entend ici un attribut, mène vers un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça ici nous mène vers l'attribut de la miséricorde. Ça implique, induit l'attribut de la miséricorde. Taïb, on l'avait expliqué cela. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des noms qui n'ont pas de sens. Je donne un exemple. Encore une fois, le créateur n'est pas comparable avec la créature. Parfois, vous pouvez appeler quelqu'un. Vous l'appelez quelqu'un par ce nom. Quelqu'un, par exemple, il s'appelle, il a un prénom, on l'appelle. Ce prénom-là, peut-être qu'il n'a pas de sens. Mais on s'en sert pour l'appeler. Vous voulez l'appeler, et cette personne, il a un prénom, on l'appelle par son prénom. Peut-être que lui, son prénom n'a pas forcément un sens, mais on l'utilise juste pour l'appeler. Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces noms ont des sens magnifiques. Allah Jalla wa'ala n'a pas de nom qui n'a pas de sens et de signification grandiose. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut savoir. On revient à la cause pour laquelle certains ont pensé que nier les noms et les attributs d'Allah, ça faisait partie du monothéisme. Ça faisait partie du monothéisme. Comment ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit si Allah Jalla wa'ala a plusieurs noms ou plusieurs attributs, ça indique une pluralité. Dans le sens que cette pluralité indiquerait eh ben, la pluralité de la divinité. Parce que pour eux, par exemple, l'attribut est dissociable du créateur. C'est-à-dire pour eux, le créateur, le Seigneur, c'est l'être, et l'attribut, c'est-à-dire, est séparé du créateur. Donc, plusieurs attributs signifient une pluralité. Donc, la pluralité, donc, pour eux, indique la pluralité de la divinité. Qu'il y a plusieurs, donc, divinités. Vous allez le comprendre comment ? Eux, ce sont les héritiers, en réalité, cette croyance-là, c'est les héritiers des polythéistes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les polythéistes, il nous est rapporté, un jour, ils ont entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, prier. Et le prophète, alayhi salam, priait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils ont entendu que le prophète, il a appelé Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Regardez, il adore une autre divinité. Pour eux, Allah, c'était le Seigneur, ou Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est un autre. Ils ont dit, regardez, il adore deux seigneurs. Il a plusieurs divinités. Ils ont dit ça du prophète, ensemble, lorsqu'ils l'ont entendu appeler Allah, Ar-Rahman. Et il y a même un verset, lorsqu'Allah dit, wa yakfuruna bil-Rahman. Et ils mécroient au tout miséricordieux. Wa yakfuruna bil-Rahman. Et ils mécroient au tout miséricordieux, une traduction relative du sens du verset. Allah nous dit, et il mécroit au tout miséricordieux, c'est-à-dire dans le tafsir, Ibn Jarir dit dans le tafsir de ce verset, lui il dit que ça s'est passé au pacte de Al-Hudaybiyah, la trêve de Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallam avait écrit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et ils ont dit, en ce qui concerne Allah, oui, mais le tout miséricordieux, nous ne reconnaissons pas cela. Ils ne reconnaissaient pas que Allah était ar-Rahman. Et Ibn Jarir dit dans son tafsir, At-Tabari, hein, vous avez compris Ibn Jarir, c'est-à-dire At-Tabari dit dans son tafsir, et de là, il y a eu la descente du verset, « Wa yakfuruna bi ar-Rahman » et il mécroit, il renie le tout miséricordieux. Alors qu'il ne savait pas qu'Allah Jalla wa Ala a plusieurs noms sublimes, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque le prophète, je vous ai dit, il avait dit, Ya, il invoquait Allah en disant Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, oh le tout miséricordieux, oh le très miséricordieux. Alors les polythéistes ont dit, il prétend n'adorer qu'un seul Dieu et il invoque plusieurs dieux. Pourquoi il dit ça ? Parce que pour eux, Allah était un Dieu. Il est. Pour eux, Ar-Rahman est un ilah et Ar-Rahim est un autre ilah. Vous avez vu ? Par rapport au nom. Et c'est pour cela qu'on a même un verset. Dans un verset, lorsqu'Allah dit, « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ » Dans le verset, lorsqu'Allah dit, « Et si vous leur dites, « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا » Et si vous leur dites, « Prosternez-vous » Pour qui ?« لِلرَّحْمَنِ » Si vous leur dites, « Prosternez-vous pour le miséricordieux », ils diront, « Mais qui est le miséricordieux ?» Ça, c'est les polythéistes arabes. Est-ce que eux, les polythéistes arabes, à l'époque du prophète, ils croyaient en Allah ? Est-ce que vous divergez sur ça ? Ils croyaient en Allah ? Bilal ? Naam ? Ils croyaient en Allah, il n'y a pas de divergence. Pourquoi ils ne croient pas Ar-Rahman ? Pour eux, Ar-Rahman, ce n'est pas Allah. Donc quand ils disent... Quand Allah leur dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, et lorsqu'on leur dit, prosternez-vous pour le miséricordieux, ils disent, وَمَا الرَّحْمَنِ, mais qui est le tout miséricordieux? Ouais, mais Rahman, c'est pas le fait qu'ils ne croient pas en Allah. Mais pour eux, Allah, c'est Allah. Et Ar-Rahman, pour eux, c'est une autre divinité. Ils ne reconnaissent pas Ar-Rahman comme étant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah a de nombreux noms. Nous, on en connaît 99. Et Allah en a gardé. Dont on n'en a pas la connaissance. Donc Allah a plusieurs noms. Et ces plusieurs noms, justement, le fait que les noms d'Allah sont nombreux, pourquoi ? Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique justement sa perfection et son immensité. Mais ça n'indique pas la pluralité. C'est ça qu'il faut savoir. Ça n'indique pas la pluralité de la divinité. Non. Au contraire, le fait qu'Allah ait plusieurs noms, ça indique ici la perfection et l'immensité et la grandeur du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu, pour eux, par exemple, ces négateurs des noms et des attributs, alors ils considèrent que la pluralité, par exemple, des attributs ou des noms, ça indique la pluralité de la divinité. C'est pour ça que, regardez, ce que va nous dire, et là, on va bien comprendre ce que va nous dire Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit, « نرد عليهم بأن الصفة ليس غير الموصوف والاسم ليس هو غير المسمى. » Il dit, on leur répond, Cheikh Al-Fawzan dit, lorsque eux ils disent que ça c'est du polythéisme. Parce que pour eux, si vous attribuez, vous affirmez un attribut, vous donnez à Allah un associé. Vous donnez à Allah un associé. Vous comprenez leur manière de, leur conception des choses, ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que comme dit Cheikh Al-Fawzan, l'attribut ne se sépare pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut ne se sépare pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un attribut lié à l'être, à l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le vivant, il est l'éternel, sans début et sans fin. Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala, par exemple, il a sifat, comme on a dit, du fait qu'il est al-hayy, al-qayyum. Allah, il a l'attribut aussi de l'élévation. On a dit que l'élévation, le fait qu'Allah soit le très haut, c'est un attribut aussi de dhatiya. C'est un attribut d'essence, lié à l'entité et lié à l'être d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est indissociable. Vous comprenez lorsqu'on dit, ces attributs-là sont indissociables. C'est comme l'attribut du ilm, l'attribut de la science. Ça fait partie de as-sifat dhatiya, les attributs liés à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs, comme on avait dit, qui sont indissociables. Ces qualités sont inhérentes à son essence, subhanahu wa ta'ala. Donc éternel, sans commencement et sans fin, subhanahu wa ta'ala. فَحَتَّ تَقُولُ إِنَّهَا شُرَكَاء لِلَّهِ. Donc si vous attribuez un attribut à Allah, pour eux c'est lui donner un associé. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que on comprend que ce n'est pas tous ceux qui professent at-tawhid, que ça veut dire que leur conception du tawhid est bonne et authentique. Il y en a qui professent at-tawhid, comme on vient de l'apprendre ici, par exemple al-Jahmiya, qui parmi leurs principes, ils disent at-tawhid, mais pour eux c'est quoi at-tawhid ? C'est nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'affirmer, ils pensent que c'est donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib ! C'est étonnant comment Shaytan, comment Iblis les a fait dévier du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans son livre, nous a informé à son sujet en nous enseignant certains de ses attributs et eux nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que c'est ça le monothéisme. Ensuite, ils ont d'autres raisons. Ils pensent que affirmer les attributs d'Allah, ça serait faire de la comparaison, comparer le créateur avec la créature, c'est faux. On répondra à ces allégations dans ce qui viendra, Inch'Allah. ثم قال الشيخ الفوزان ولذلك يسمى هؤلاء الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين ويصفونهم بالشرك لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم حيث جعلوا الأسماء والصفات كأنها مخلوقات تشارك الله جل وعلا بزعمهم. Pour mieux comprendre, regardez. Pour mieux comprendre. Donc eux, ils prétendent que ceux qui affirment les attributs d'Allah seraient des polythéistes. Donc, pourquoi ? Parce que affirmer les attributs, pour eux, c'est du polythéisme. Pourquoi ? Regardez, là, on va mieux comprendre dans ce que nous explique Cheikh ici. Il dit « لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا شُرَكَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ » Parce que pour eux, ça serait affirmer et donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ? Eux, ils considèrent que « جَعَلُوا الْأَسْمَا وَصِفَتْ كَأَنَّهَا مَخْلُقَاتْ » Pour eux, ils ont considéré que aussi bien les noms et les attributs, ça serait comme des créatures. Qu'Allah nous préserve de ce qu'ils ont dit. Donc pour eux, ils considèrent que les noms et les attributs seraient créés. Des créatures. Makhlouqat. Donc si vous les attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous lui donnez un associé parmi la création. Parmi la création. Est-ce que vous avez compris ? Wadah al-Kalam. De ce fait, ils considèrent que cela est du shirk. Ajib. Ajib, yaikhwan. Ils considèrent que ça, pour eux, c'est du polythéisme. Donc, vous avez vu, ça va très vite. Shaitan insuffle aux gens al-bid'a, l'innovation, l'hérésie, et beaucoup de gens ensuite tombent en masse. Si on ne se préserve pas, on n'apprend pas, et on n'essaie pas de se préserver de ces insufflations sataniques, beaucoup de gens sombrent. Comme beaucoup ont sombré dans les siècles précédents, et comme on voit aujourd'hui beaucoup sombrer dans différentes hérésies. Il y en a, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en insultant par exemple les compagnons du prophète, en insultant les épouses du prophète. Ils adorent, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah comme cela. Il y en a, ils adorent des divinités en pensant que c'est des incarnations d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Ils les adorent en pensant qu'ils se rapprochent du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme cela, Shaitan leur a ouvert les portes de l'hérésie et des dérives. C'est pour ça, nahnu wallah fi ni'ma. On sent qu'on est dans un bienfait immense d'étudier la science religieuse. C'est un, vous ne pouvez pas vous imaginer. Déjà la récompense auprès d'Allah, la fatigue que la personne fournit, homme ou femme, fournit dans l'écoute, dans l'assise, dans la rencontre de savants, vous ne pouvez pas, Shaitan ne vous laissera pas. Malheureusement ça nous fait de la peine. On voit beaucoup de jeunes, au lieu de Mashallah, d'être motivés pour aller apprendre la science, etc. Ils sont motivés pour polémiquer. Ils n'ont aucune science. On voit beaucoup de jeunes maintenant qui sont carrément perturbés. Ils sont perturbés, ils sont dans les sites internet, dans les réseaux sociaux. Ils débattent, ils s'insultent les uns les autres. Tu ne suis pas mon chir, non, toi t'es avec mon chir. Et ils en débattent de tout cela. Et malheureusement, ils sont perdus. Ni ils n'avancent, ni ils profitent, ni ils profitent aux autres. Et ni ils profitent aux autres. Pourquoi ? Parce que apprendre la science... Tellement la récompense est immense, tellement la récompense, elle est immense, vous pouvez vous imaginer. Et c'est une lumière, c'est une lumière. Ces gens-là, ils font partie des meilleurs hommes qui marchent sur terre. Ceux qui apprennent la science bénéfique. Et qui ont le comportement, bien sûr, le comportement qui va avec. Donc, Shaitan, il ne va pas te laisser. Et lorsqu'on exhorte justement des frères, arrêtez ces polémiques. Adorez votre Seigneur, revenez à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas des partisans du schisme où le shirk serait infaillible. Il ne peut pas se tromper. Ça n'existe pas dans notre doctrine. Dans notre croyance, ça n'existe pas. Un shirk peut se tromper. Peut se tromper. Il n'y a pas de, on n'adore pas le shirk. Wa hakada. Et c'est pour ça, lorsqu'on est éduqué sur cette croyance, vous allez voir, vous vivez apaisé. Vous êtes apaisé, vous êtes tranquille. Lorsque vous êtes dans la confusion, sachez que vous avez une déficience quelque part. Vous avez un problème quelque part. Pourquoi ? Parce que comprendre bien sa croyance, aqidat ahl sunnah wal jamaa, ça va vous mettre dans le cœur une sorte, vous allez connaître la tranquillité, la quiétude. Vous allez être apaisé. Si vous vivez dans la confusion, c'est que Shaitan vous a rentré dans une porte de confusion. Et il vous a mis dans l'ambiguïté. Il faut revenir à l'adoration d'Allah. Il faut revenir en talab al-ilm. Voilà, il y a des mashayikhs. Lisez les biographies de mashayikhs, certains mashayikhs contemporains. Certains mashayikhs contemporains. Vous savez, des mashayikhs, ils disaient eux-mêmes que lorsqu'ils ont eu, ça y est, ils ont appris depuis tout petit avec les mashirs, des savants, ils sont devenus savants. Certains disent que lorsqu'ils commençaient à enseigner la Mishara, ils ne se faisaient pas enregistrer. Vous savez pourquoi? Alors que c'était des savants. Ils considéraient qu'ils avaient encore une faiblesse. Kibar. Il y a des kibars aujourd'hui qui disent que malheureusement, ils ont des élèves qui avaient commencé avec eux, des camarades, lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont commencé le hymne. Ils ont dit, après, ils ont obtenu leur diplôme, hein, des magisters, des masters, en chalira, en sciences religieuses. Certains ont obtenu ensuite des doctorats dans la science religieuse. Et dit, ensuite, ils ont eu des fonctions, et comme s'ils ont délaissé un peu Talab al-Ilm. Certains savants blâment cela. Et vous voyez que certains savants, depuis tout jeune, hum fil ilm, et ils disent, il faut continuer dans l'ilm. Et on voit beaucoup d'étudiants, talabat al-ilm, à un moment donné, ils lâchent, ils arrêtent. Ils disent là. Et bien, certains mashayikh, ils disent qu'ils ont des élèves qui les suivent depuis 20 ans. Et un shir à Riyad, il parle de ses élèves, il dit, j'ai des élèves qui me suivent depuis 20 ans. Parfois, comme on a dit précédemment, ils font des livres, comme on avait dit dans un cours précédent, Cheikh Ibn Uthaymeen a enseigné Bulugh Maram en 17 ans. 17 ans, ses élèves l'ont suivi. 17 ans. Pensez que c'est des gens qui étaient sur les réseaux sociaux en train de polémiquer, tel shir, mon shir, ton shir, etc. Là, l'ilm ya ibadallah, la science, le savoir, c'est ça. Rijal, c'est ça, les vrais hommes, ceux qui ont compris c'est quoi l'ilm, ça demande de l'attention, ça demande de la fatigue, ça demande de l'investissement, ça demande de donner tout son être pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre ce ilm là. Et parfois même, Ajib, on voit certaines sœurs, elles sont plus dans l'ilm que certains frères, Ajib. Et on voit que certaines sœurs sont plus sérieuses dans l'ilm. Kayfa hadha? Comment par exemple un frère pourrait admettre que par exemple chez lui, son épouse, elle est dans les livres, elle ne polémique pas. Tahfad kitab Allah, elle mémorise le livre d'Allah, elle mémorise les hadiths du prophète, Sahih al-Bukhari ou Muslim, elle mémorise les sciences dont on a besoin pour comprendre le Coran et la Sunna, et lui il est sur internet, attends là, en ce moment il y a un sujet important là, une polémique importante. Ajib, kayfa hadha? Ou comment certains peuvent admettre que, par exemple, leur épouse, machallah, apprend l'arabe, elle avance dans l'arabe, et lui, il n'avance pas dans l'arabe depuis des années. Là, il faut revenir au ilm. Les frères, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. C'est le plus grand bienfait qui peut toucher à des vies. Il ne faut pas arrêter. Du berceau jusqu'au tombeau, c'est jusqu'à la mort. C'est comme l'adoration. Il ne faut pas arrêter. Du berceau jusqu'au tombeau. Il faut se le répéter. Du berceau jusqu'au tombeau, elle est ilm. Mais avec l'application, avec la mise en application, il faut mettre en application cette science-là. Donc on revient à notre sujet. Eux, alors ils ont prétendu que donc les attributs, ça serait comme une créature créée. Donc les affirmer pour Allah, ça serait lui associer. Donc lui donner des associés. Vous l'avez compris. C'est pour cela que Cheikh Ansun dit وَهَدَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ. Et vous avez compris que c'est de la mécréance en réalité ce qu'ils ont dit. Et de l'égarement. Tout ce qu'on vient de dire à leur sujet, hein. Leur compréhension du tawhid, en réalité vous avez compris que c'est de l'égarement. C'est de l'égarement et de la mécréance. Cheikh nous dit حَتَّا إِنَّ الرَّازِي قَالَ عَنْ إِبْنِ خُزَيْمَةَ لما كتب مؤلفا في الأسماء والصفات وسماه كتاب التوحيد قال عن إن هذا الكتاب وهو كتاب الشرك لأنه يثبت الأسماء والصفات لله فمعناه أنه جعل لله شركاء هذا يزعمون فهم ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم فالموحد عندهم هو الذي ينفي الأسماء والصفات فالمشرك عندهم هو الذي يثبت الأسماء والصفات تعالى الله عما يقولون وهو قول باطل حتى في المخلوقين إذا قلت زيد عالم وكاتب وحاسب إلى آخره هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته مخلوقات أخرى معه أو شريكة له هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. Allez, pour continuer ce que nous dit Cheikh ici, c'est très pertinent ce qu'il nous explique. Et ce qu'il dit, il dit, c'est pour cela que il y a un homme qui s'appelait Ar-Razi. Ar-Razi, il a dit en ce qui concerne le livre célèbre, vous connaissez le grand imam Ibn Khuzaymah, il a un livre célèbre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Ar-Razi a dit à son sujet, lorsqu'il a écrit Kitab al-Tawhid, Ibn Khuzaymah, il a appelé ce livre, au sujet de ce livre, il a dit « Hada kitab al-shirk ». Ça, c'est un livre de polythéisme, de shirk. Ar-Razi, que nous dit Sheikh Fawzan, il s'appelait Fakhr ad-Din Ar-Razi. Fakhr ad-Din Ar-Razi. Il est ma'ruf. Il est très célèbre. C'est un savant célèbre, sauf que c'est un savant qui s'est spécialisé dans ilm al-kalam et dans la philosophie. C'est pour ça que plus tard, c'est un savant qui est né en 544 de l'Hégire, il est mort en 606 de l'Hégire. Lui, plus tard, il va devenir l'une des têtes du mouvement Ash'arite, de la doctrine Ash'arite. Pourquoi? Parce que comme on avait dit en cours précédent, en réalité, Abul Hassan Ash'ari, qui est né en fin 3e siècle, hein, qui est du fin 3e siècle de 60 de l'Hégire, hein, qui est venu bien après les quatre imams, on avait dit que Abul Hassan Ash'ari, lui, plus tard, va revenir à la croyance des gens de la Sunna. Donc lui, ensuite, il ne va pas propager le madhab que plus tard ils vont appeler le madhab al-Ash'ari. L'affiliant, hein, justement, à Abul Hassan al-Ash'ari. On avait dit son histoire la fois dernière, les différentes étapes. Lorsqu'il est né, lorsqu'il était tout petit, il était orphelin, son père est mort. Ensuite, sa mère s'est remariée avec un imam parmi les Mu'tazilites. Donc pendant une grande partie de sa vie, il a appris la doctrine, les Atizel, ce qu'on appelle les Atizel de Mu'tazila, et il était sur ça jusqu'à ce que plus tard il va revenir. Certains disent qu'il est resté 40 ans sur cela, mais plus tard il va revenir sur cela, et plus tard, à la fin, il reviendra à la croyance de Ahmed ibn Hanbal, à la croyance de nos pieux prédécesseurs. Donc lui, ensuite, ne va pas propager ce mouvement qu'ils appellent la doctrine de l'ash'arisme, l'ash'arira. C'est plus tard, il y aura d'autres, des gens qui feront partie des têtes, et parmi eux, Fakhreddin Ar-Razi. Lui, il va faire partie des gens qui vont propager le madhab al-ash'ari. Donc, il fera partie des grandes figures de la doctrine ash'arite. Lui, Fakhreddin Ar-Razi, par exemple, il a appelé, c'est lui qui appela le livre d'Ibn Khuzaymah, Kitab al-Shirk. Le livre du polythéisme, en réalité, et non Kitab al-Tawhid. Et non Kitab al-Tawhid. Pourquoi? Parce que pour eux, selon leur prétention, attribuer les attributs, c'est donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shir ici va nous dire, mais c'est une parole fausse. Même une personne, hein, qui juste fait marcher un peu sa raison, fait preuve de raison, il peut comprendre que c'est une raison, que la raison ne peut concevoir cela. Regardez. Si vous prenez une personne, un être, une personne et qui a plusieurs, par exemple, descriptifs, par exemple. On dit, par exemple, d'une personne, elle est riche. C'est un commerçant. C'est un savant. Avec de bonnes moralités. Il est fort et robuste. Vous comprenez que c'est une description d'une seule personne ou ça indique la pluralité ici? On parle d'une seule personne, on parle de plusieurs personnes. On parle d'une seule personne. On dit aussi bien, il est à la fois riche, par exemple, c'est un commerçant, quelqu'un qui est savant, par exemple, quelqu'un qui est fort. Donc c'est descriptif, ce sont des attributs qui lui sont attribués à cette créature. Là, on a compris qu'on parle d'une personne. Lui attribuer ces qualités-là, est-ce que ça, on va comprendre la pluralité de l'individu, donc il y a plusieurs personnes là? Même une personne qui parle, qui fait preuve de raison, elle ne peut concevoir ça. De même, le fait qu'Allah Jalla wa Ala ait les noms les plus sublimes et les attributs de la perfection, ça indique ici la perfection d'Allah, mais ça n'indique pas la pluralité de la divinité. Wadih al-Kalam, vous comprenez? C'est pour cela que Al-Shir al-Fawzan dit, « Hada la yakuluhu aqilun yatasawwaru ma yakul. » Il dit ça, une personne qui est douée de raison et qui raisonne ce qu'il dit, il sait ce qu'il profère avec sa bouche, il ne peut pas comprendre ou proférer de telles paroles. Taïb. Ensuite, l'auteur nous dit, « Et il a parlé à Moussa par sa parole, qui est un attribut de son essence, non une création parmi sa création. Il s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté. Ensuite, on continue ici dans ce que l'auteur Ibn Abi Zayd dit. Et Faqal, wa kallama Allah Musa. فالله جل وعلا كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه تجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى وهذا رد على الجهمية فأسماء وصفته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية وصفته منها ما هو صفة ذات وما هو صفة الفعل وصفات الأفعال قديمة قديمة النوع حادثة الآحاد فمن صفاته الفعلية الكلام فالله يتكلم حقيقة ويسمع منه الكلام كلم موسى وسمع كلامه ولذلك سمي موسى كريم الله يكلم جبريل بالوحي ويسمع كلامه ويبلغ للرسل فهو يتكلم إذا شاء بكلام يسمع وبكلام يسمع إذن قال ويسمع منه الكلام يسمع منه الكلام. Là, dans ce que dit l'auteur, maintenant il va nous parler de l'histoire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Donc vous avez compris, Moussa c'est le prophète. Moussa c'est le prophète d'Allah qui avait été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et il fait partie de Ulul Azm. De Ulul Azm, les cinq messagers qui sont considérés comme, si on peut traduire de manière relative, hein, c'est toujours relative en français, les doués de résolution. Comme ça, parfois, certains traducteurs traduisent de cette manière, les doués de résolution, Ulul Azm. Donc, Moussa, alayhi salam, il est appelé, comme dit Shir ici, Kalimullah. Kalimullah. Du fait qu'Allah, Jalla wa ala, lui a parlé. Il lui a parlé, Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Shir nous dit ici, dans cette histoire, il y a une réfutation à Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, qui ont réfuté l'attribut de Al-Kalam, l'attribut de la parole. Et là, de là encore, on a l'affirmation d'un attribut. Et ce qui nous prouve qu'Allah, Jalla wa ala, a bien et bien parlé à Moussa, le verset lorsqu'Allah dit « Wa kallama Allahu Moussa taklima » et on dit bien « Kallama Allahu » l'offre de Al-Jalala. L'offre de Al-Jalala, vous avez vu, il y a Al-Dhamma. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a parlé à Moussa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Taklima. Et un jour, un homme avait dit à un imam, Ya Sheikh, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Wa kallama Allaha Moussa taklima? Pourquoi on ne mettra pas Al-Fatha sur l'offre Al-Jalala, sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que si on met une Fatha et on lit le verset de cette manière, Wa kallama Allaha Moussa taklima, le fait que dans le nom Moussa, la fatha ou la dhamma, elle est non apparente, elle est sous-entendue, donc elle n'apparaît pas, on la voit pas. Donc aussi bien on pourrait dire que c'est une fatha comme une dhamma. Donc là le sens, si on met al-fatha fi lafd al-jalala, ça voudrait dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Or le verset, c'est pour ça que vous avez vu, lorsqu'on apprend le Coran, on doit le réciter à un shir. On doit le réciter à un shir, pourquoi? Parce que juste les voyelles, il faut faire attention de ne pas se tromper sur les voyelles. Parce qu'une voyelle dans la langue arabe, ça change tout le sens. Ici, si vous ne lisez pas le verset comme il convient, il faut le lire « Wa kallama Allahu Moussa taklima ». Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a parlé à Moussa, subhanahu wa ta'ala. Si vous mettez une fatra à la place, ça serait Moussa qui a parlé à Allah, c'est l'inverse. Donc le verset, on le lit « Wa kallama Allahu Moussa taklima ». Un homme est venu, il dit « Pourquoi on ne met pas une fatra ? » Alors l'imam lui a répondu avec un verset, lui a dit « Et que dirais-tu alors de l'autre verset lorsqu'Allah dit « Wa kallamahu rabbo » Et là, c'est clair. Ce verset est clair. « Wa kallamahu rabbo » Idan Allah jalla wa ala yatakallam bimasha matasha lorsqu'Allah le veut. Et ça fait partie de ses attributs. De ses attributs de perfection. Subhanahu wa ta'ala. تفضل الأذان. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. طيب, on va s'arrêter là, inshallah. Et on va reprendre, Inch'Allah, sur le, au prochain cours. Inch'Allah, on essaiera de commencer, directement, comme à l'habitude, à 18h30, pour qu'on puisse bien traiter ce sujet-là, puisque ensuite, Cheikh Fawzan va vraiment détailler. Dans ce qui va suivre là, il va vraiment détailler. Et comme vous avez vu, ce cours a été dispensé pour des talabat al-ilm. Il a été dispensé pour des étudiants en sciences. Donc là, il va vraiment détailler le sujet, en détaillant vraiment le domaine de Sifat, le domaine des attributs. Pour cela, la fois prochaine, Inch'Allah, on essaiera de commencer tôt, à 18h30 pile, Inch'Allah, pour qu'on puisse vraiment avancer sur ce sujet. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.